continue près du littoral, mais de manière générale, ce sont des averses plutôt faibles. Elles sont même plutôt éparses sur le sud du pays. Le vent s'est levé il y a quelques jours. Il va encore nous accompagner aujourd'hui. Pas beaucoup de changements pour l'après-midi, si ce n'est qu'on aura quand même quelques petits rayons de soleil qui reviendront sur l'ouest. Des rayons de soleil assez timides et qui seront entrecoupés d'averses temporairement plus soutenues à l'ouest. Ailleurs, on va garder un ciel chargé, de faibles pluies, un peu partout d'ailleurs. Et puis côté Mercure, eh bien c'est bien trop frais pour une fin juin, avec 15 degrés sur les hauteurs jusqu'à 20 ou 21 degrés en campine. Ce soir et cette nuit, situation stationnaire, pas mal de nuages, encore quelques faibles averses. Des averses qui redeviendront à nouveau plus intenses en seconde partie de nuit du côté du littoral. Et puis les minima iront de 13 à 16 degrés. Demain, une journée qui sera un peu semblable au final, avec de la grisaille, des averses assez éparses, un peu moins marquées qu'aujourd'hui, et des températures qui iront de 17 à 20 degrés. Il est 8h et la une de l'actualité ce matin, le dernier jour de classe avant 2 mois de vacances d'été. 2 mois, pas pour tout le monde. Il faudra ressortir les cours un peu plus tôt pour les étudiants qui sont en seconde session. Certaines écoles organisent des examens de passage, mais d'autres ont décidé de les supprimer. On se dit que si on n'a pas réussi en 10 mois avec l'élève à le mettre à niveau, c'est pas 2 mois tout seul où il pourra se remettre à niveau. Un homme flamand condamné à payer 6 000 euros d'amende pour avoir refusé une euthanasie. Ce jugement pourrait faire jurisprudence. Le groupe terroriste État islamique est bien derrière l'attentat de l'aéroport d'Istanbul. La CIA en est convaincue. Malgré cet attentat, l'aéroport lui a déjà repris son activité presque normalement, on le verra. Une marée noire, jaune, rouge attendue à Lille. Les Diables Rouges jouent leur quart de finale demain face au Pays de Galles. Comment les joueurs belges ont préparé cette rencontre? On le verra donc dans un instant. Elle a déjà attiré près de 3 millions de visiteurs. L'exposition Harry Potter débarque à Bruxelles aujourd'hui. Et plus que quelques heures donc avant de pouvoir ranger les cahiers au placard. 30 juin, dernier jour d'école, plus que quelques heures donc avant les vacances d'été. 2 mois sans voir un prof, sauf pour les étudiants qui ont une seconde session. Les examens de passage, ça dépend des points de l'élève bien sûr, mais ça dépend aussi des écoles. Dans certaines écoles, les examens en septembre, eh bien ça n'existe pas. Reportage Miguel Allo. À l'Athénée communal Fernand Blum à Bruxelles, on maintient l'organisation d'examens de passage. Pour le proviseur de l'établissement, Didier Mazerac, le temps des vacances est pour certains étudiants parfois nécessaire pour rattraper le retard ou les difficultés rencontrées pendant l'année. Nous considérons que c'est une seconde chance, effectivement, pour pouvoir redémarrer l'année suivante avec de meilleures bases dans ces matières et ne pas être dépassé dans ces matières l'année suivante. Pour certains étudiants, cette formule donne des résultats positifs. Mais qu'en est-il de ceux qui ont des difficultés, pour qui un cours particulier sera nécessaire? Des cours bien souvent payants. À titre personnel, je pense que si ces inégalités existent, elles existent toute l'année. En plus, différentes structures peuvent justement aider ces adolescents pendant l'été. Notamment, à notre niveau, nous avons un cours complémentaire qui est donné mi-août par une ASBL qui est liée à l'Association des Anciens et qui permettent vraiment à un prix très démocratique de suivre ces cours. Autre option, le lycée Martin V à Louvain-la-Neuve. Ici, pas de seconde session. L'élève sait au mois de juin s'il a raté ou pas. Monique Bollen est la directrice adjointe. On se dit que si on n'a pas réussi en 10 mois avec l'élève à le mettre à niveau, ce n'est pas 2 mois tout seul où il pourra se remettre à niveau. Le lycée a tout de même prévu des travaux de vacances. Des tests de remise à niveau sont aussi réalisés en septembre pour les matières où l'élève est en échec. Si l'étudiant ne réussit pas ce test, il devra alors suivre une étude obligatoire les mercredis après-midi. On le voit, les systèmes diffèrent selon les écoles. Aux parents et aux élèves de bien se renseigner au moment de l'inscription dans l'établissement pour éviter les surprises. Et puis à partir de la rentrée prochaine, plus question de clichés sexistes dans les manuels scolaires. Et oui, plusieurs analyses de manuels ont montré que les hommes et les femmes ne sont pas placés au même niveau. Une personne qui travaille est représentée dans 8 cas sur 10 par un homme. Par contre, dans la majorité des cas, un adulte entouré d'enfants sera une femme. Petit rappel, pour les distraits, il vous reste quelques heures pour remettre votre déclaration fiscale, version papier. Vous avez jusqu'à minuit. Après, il faudra se tourner vers Internet. Vous avez jusqu'au 13 juillet via TaxonWeb. Non, une maison de repos ne peut pas refuser l'euthanasie à un pensionnaire. Et c'est un jugement qui peut faire jurisprudence. prudence. Le tribunal civil de Louvain a condamné une maison de repos et catholique à payer 6 000 euros à la famille d'une pensionnaire. Le home refusait que la procédure se déroule dans l'établissement. Il évoquait notamment une clause de conscience. Mais Yasmina Favaro, le tribunal a tranché, c'est le droit du patient qui prime. Oui, autrement dit, le home n'avait pas à se mêler de cette euthanasie. Une euthanasie demandée dans les règles, c'était en 2011. Une septuagénaire souffrait d'un cancer avec des métastases au cerveau. Il n'y avait plus rien à faire. Elle avait donc demandé une euthanasie. Après plusieurs entretiens, les médecins avaient donné leur feu vert. Mais là, la maison de repos intervient. Pas question que ça se passe en son sein. La dame a dû retourner chez elle pour pouvoir mourir comme elle le souhaitait. Une douleur supplémentaire pour ses proches. Et la famille a donc décidé de porter plainte contre le home et c'est une première en Belgique. Oui, si ce n'était pas la première fois qu'une maison de repos refusait l'euthanasie à un pensionnaire, c'était la première fois qu'il y avait une plainte. Hier, le tribunal a donc balayé l'argument de la clause de conscience, une clause souvent invoquée par les homes, une clause réservée au personnel comme les soignants. Oui, un médecin peut refuser de pratiquer une euthanasie car c'est contraire à ses convictions, mais pas une institution. La maison de repos ne pouvait pas s'interposer entre la patiente et son médecin. Merci Yasmina Favaro. Testachat en justice contre Volkswagen. L'organisation de défense des consommateurs va déposer ce matin une action en réparation collective. Testachat réclame une compensation aux constructeurs automobiles allemands suite au scandale des moteurs truqués. En Belgique, quelques 400 000 voitures de marque VW, Audi, Seat, Skoda ou encore Porsche seraient concernées. L'attentat de l'aéroport d'Istanbul porte la marque du groupe terroriste État islamique. Oui, les autorités turques en sont convaincues et la CIA aussi. Il n'y a toujours pas eu de revendication, mais le mode opératoire ressemble aux attentats de Paris et de Bruxelles. C'est en fait un mélange des deux. À Istanbul, les trois kamikazes ont tiré dans l'aéroport avant de se faire exploser. Bilan 42 morts et 238 blessés. Un bilan très lourd donc, et pourtant, très vite après l'attaque, l'aéroport reprenait du service. Reportage sur place, Gaël Joly. À l'intérieur de l'aéroport d'Atatürk, seule une palissade en métal cache péniblement les dégâts causés par l'une des trois explosions autour. Les voyageurs s'activent, mais au volant de son taxi, Ahmed est encore sous le choc. Il a quitté son service quelques minutes avant les premiers tirs de Kalachnikov. Deux de ses collègues sont morts. C'est terrible, on a peur. J'ai peur quand je prends des clients désormais. J'observe un peu tout le monde, surtout les gens qui ont des sacs. Ma famille aussi, elle a peur pour moi. Elle me dit d'arrêter ce travail. J'aime beaucoup mon pays, mais on n'est pas en sécurité ici. Le soir du drame, ce sont les chauffeurs de taxi qui ont transporté les premières victimes à l'hôpital de Bakirkoï, juste à côté. Aleph a passé la journée au chevet de son neveu de 20 ans. Il était parti avec son père chercher sa tante qui revenait d'Allemagne. Les médecins ne nous donnent pas beaucoup d'informations. On sait qu'il a deux débris de métal dans le crâne. Ils disent que les organes vitaux fonctionnent, mais ils doivent le laisser dans un coma artificiel pendant 72 heures. Aleph, qui comme beaucoup de Turcs, ne peut retenir sa colère contre le gouvernement Erdogan, accusé d'avoir laissé proliférer Daesh sans être capable aujourd'hui de contrôler le monstre. Et les affaires étrangères belges n'ont pas modifié leur conseil par rapport à la Turquie. Les voyages dans l'Est, près de la Syrie, sont toujours déconseillés. Pour le reste du pays, la vigilance doit rester accrue et elle est donc demandée aux voyageurs. En bref, concernant le crash de l'avion d'Égyptair à présent, qui faisait la liaison donc entre Paris et le Caire, les boîtes noires commencent à parler, en tout cas celles qui enregistrent les paramètres de vol. Selon les données, il y a bien eu de la fumée à bord. La piste d'un incident technique semble donc se préciser. Un jour à 28, un autre à 27, le sommet européen s'est terminé hier soir à Bruxelles. 48 heures de discussion autour du Brexit. Et oui, c'était la première fois que les dirigeants européens se retrouvaient après le référendum britannique avec une question: comment préparer le divorce ? Le sommet a démarré avec David Cameron, il s'est terminé sans lui. Olivier Henrion revient sur ce qu'il faut retenir de ce sommet très émotionnel. Émotionnel parce que c'est la première fois que l'Union européenne s'apprête à se séparer d'un de ses membres. Une procédure de divorce qui sera lancée par le prochain Premier ministre britannique, vraisemblablement début septembre. D'ici là, a répété Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, on ne négocie pas avec les Britanniques. Pas de négociation sans notification. On retiendra aussi que malgré le Brexit, le Royaume-Uni ne veut pas couper les ponts avec le marché unique. C'est l'avis de David Cameron. Le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, mais à mon avis, il ne tournera pas le dos à l'Europe. Il ne devrait pas le faire. Mais attention, prévient Donald Tusk, le président du Conseil. Les dirigeants ont été clairs aujourd'hui. L'accès au marché unique nécessite le respect des quatre libertés fondamentales, y compris la liberté de circulation. There will be no single market à la carte. Et pour accéder à ce marché unique, il faudra passer à la caisse, ce qui risque de crisper les futurs négociateurs britanniques. Enfin, dernière leçon de ce sommet, les dirigeants européens qui restent dans l'Union se sont mis d'accord pour montrer que l'Europe à 27 peut survivre aux turbulences du Brexit. Aucune action concrète n'a encore été annoncée, mais c'est promis, ce sera chose faite d'ici leur prochaine réunion extraordinaire, le 15 septembre à Bratislava. C'était le bilan du sommet européen signé Olivier Henrion. Et on en vient à l'événement de la semaine, cette marée noire, jaune, rouge qui va donc déferler sur Lille. Lille, c'est à la frontière belge et c'est là que les Diables vont jouer leur quart de finale. Des dizaines de milliers de supporters sont donc attendus sur place. Romain est restaurateur à Lille et il se prépare. On attend surtout une grosse arrivée, je pense, dans l'après-midi. Peut-être pas dès le matin. Je vois sur les réseaux sociaux qu'ils font beaucoup de rassemblements aux alentours de 16h sur la Grand Place. Donc on ne s'attend pas à une matinée grosse. Par contre, on s'attend à une très grosse après-midi, également à un gros retour de match. Une interview signée Ebi Brouzakis. Alors, les Diables Rouges affrontent le Pays de Galles. Mais David Bertrand, les Diables ne débarqueront à Lille que ce soir. Oui, parce que ce matin, ils s'entraîneront une dernière fois à Bordeaux avant de s'envoler donc vers le nord de la France en fin d'après-midi. Ils ne s'entraîneront donc pas sur la pelouse du Stade Montroy, comme c'est la coutume habituellement à la veille d'un match. Le gazon doit être préservé pour la rencontre de demain. Un entraînement aujourd'hui auquel doit en principe participer Eden Hazard, qui a été ménagé et laissé au repos ces deux derniers jours. Écoutez ce que disait de lui Marc Wilmots hier en conférence de presse. J'espère qu'Eden va pouvoir s'entraîner demain, mais il ressent toujours à la cuisse aujourd'hui, donc il va faire des soins au soir. On est en train d'essayer de l'avoir à 100%, mais je ne peux pas fixer un délai ou dire que ça va aller. Je voudrais, mais je ne peux pas. Le staff, il travaille. Point de condition, il n'y a pas de problème quand même. Alors, des matchs, il en a fait, donc la condition n'est pas le problème. L'envie, elle est là. Ce qui, moi, est intéressant, c'est le quadriceps, parce qu'il y a à long terme et à court terme. Mais ça, c'est en discussion avec lui, je verrai bien. Chaque chose en son temps. Et ce soir, dans leur hôtel lillois, les Diables regarderont inévitablement la rencontre entre le Portugal et la Pologne, le premier quart de finale de cet Euro. Puisque vous le savez, s'ils battent le Pays de Galles vendredi en quart, c'est justement le vainqueur de ce Portugal-Pologne qu'ils rencontreront en demi-finale. Merci David Bertrand. En tennis, deux Belges sur les courts à Wimbledon aujourd'hui. David Goffin et Kirsten Flipkens disputeront leur deuxième tour. Flipkens jouera contre Madison Keys et Goffin affrontera le Français Édouard Roger Vasselin. Hier, ils ont patienté une grande partie de la journée avant que leur rencontre respective ne soit finalement reportée à cause de la pluie. Écoutez Thierry Van Klemput, l'un des coachs de David Goffin. La moindre goutte peut être extrêmement dangereuse pour les joueurs. Dès qu'il commence à pleuvoir, ben c'est fini. Il faut bâcher au plus vite. Et il faut surtout que le gazon ne commence pas à être humide. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, ils ne se contentent pas de mettre une bâche, mais ils mettent d'abord la bâche et puis ils gonflent la bâche. Donc, il y a un système de ventilation qui permet au gazon de rester tout à fait sec et à la terre, surtout, de ne pas être empreinte d'humidité parce que sinon, ça peut être catastrophique. Une interview réalisée par Christine Anquet. Un petit retour au football. Le Standard de Liège a présenté le projet de rénovation de son stade hier soir. Le club liégeois envisage de construire une passerelle à l'extérieur de l'enceinte actuelle pour permettre aux supporters de circuler plus facilement d'une tribune à l'autre. Et puis on termine par une visite, c'est celle de l'expo Harry Potter qui débarque donc à Bruxelles. Une exposition au succès planétaire. Hein. Tenez-vous bien, 3,5 millions de visiteurs. Elle est passée par Tokyo, Sydney en passant par Shanghai. Aujourd'hui donc, elle s'ouvre sur le plateau du Hesel. Françoise Barré a été faire un petit tour. 100 000 fans ont déjà en poche le précieux sésame, la promesse d'une plongée grandeur nature dans l'univers de Poudlard. Voyons Harry, Fred et George ont dit ça pourri. 1400 mètres carrés d'ambiance et d'objets. La baguette magique, le chapeau, le balai, le grimoire, le hibou et sa cage, et même le vif d'or, tout absolument tout bref, des centaines d'objets, ambiance Harry Potter garantie, souffle Frank Torres, le directeur des opérations. On a montré l'exposition à travers le monde, mais pas toujours dans son intégralité. Mais je peux vous dire qu'ici à Bruxelles, on présente tous les objets et tous les décors. C'est donc une grande opportunité pour les fans de voir tout ce que l'on a. 9 espaces, 9 ambiances sont reconstitués. Décors de cinéma d'origine, tout ce qui attire depuis 2009 les 3,5 millions de visiteurs de cette exposition. Et pour le goût potion magique, ce sont les jumeaux Weasley qui sont spécialement venus, Oliver et James Phelps. C'est incroyable d'être immergé dans l'univers d'Harry Potter. Il y a tellement de souvenirs pour nous. On est déjà venu pour 2 avant-premières à Bruxelles et les fans belges étaient parmi les plus enthousiastes du monde. Le Palais 2 au plateau du Hesel, c'est un peu la Warner jusqu'au mois de septembre. C'est comme entrer dans le film de l'autre côté du miroir. Voilà l'exposition Harry Potter à Bruxelles, c'est à voir jusqu'au 11 septembre prochain, mais tenez-vous bien, c'est déjà complet jusqu'au 5 juillet. Bon alors, on a un petit fan, on a un petit garçon qui aime beaucoup, moi, le petit David. J'adore. Pendant tout le sujet, il dit j'adore. Ah oui, mais c'est fantastique, l'univers est fantastique, et donc voilà, pour une fois qu'il n'y a pas d'agressivité pour les enfants, okay, allez-y. Viens près de nous, petit bonhomme, qu'est-ce que tu aimes bien dans Harry Potter? Moi j'aime bien tout, j'aime bien le Nimbus 2000, j'aime bien Hagrid, j'aime bien tous les personnages, Griffon d'or, tout. Ah non, citez-moi encore des personnages. Je ne sais pas, Hermione, moi. Hermione, oui. Donc, mais c'est, voilà. Oui, Discretos envoie la route parce qu'il est intarissable. 8h16. Essuie de sport ou essuie de bain? Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. Et on va donc compter la route, hein, mais il n'y a pas grand-chose à compter. Oui, des voitures, il y en a quand même quelques-unes à compter, mais des fils beaucoup moins, et ça ne va pas vous déplaire. Si vous êtes utilisateur de la voirie pendant cette période estivale, ça y est, on entre de plein pied dans celle-ci. 5 minutes 30 seulement pour franchir la tranchée de Cherat en direction de Bruxelles et passer le chantier du viaduc d'Herstal. Si vous allez justement vers la capitale, ça bouchonne un petit peu plus loin devant vous, sur le 40 entre Everberg et Woluwe Saint-Etienne et sur le 411 entre Overijs et Lyonnard. Pour le reste, eh ben c'est fluide. Et demain, on mesurera cette fluidité sur le départ en vacances. Ça, c'est moins sûr. Ce sera avec le Mobicopter de RTBF Mobile Info. Nos animateurs seront en l'air pour vous guider au sol. Bonne route! Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h, Servivacité. Tous unis pour soutenir le diable. Exceptionnel! Ce vendredi chez Intermarché, 10 euros de réduction à l'achat de 3 casiers de Jupiler, 24 x 25 centilitres. Conditions en magasin. Intermarché, tous unis pour gagner! Ouvert dimanche et jour férié, une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Oh. 8h, 9h, le 8-9. On va tout doucement parler foot avant le match de demain soir. Qui est notre invité tout à l'heure? C'est Guy Carlier qui vient d'écrire ce bouquin, Qui veut tuer Mathieu Valbuena. Alors, c'est vrai que le grand public qui suit la presse People connaît Mathieu Valbuena pour l'affaire de la sextape, pour sa non-qualification du coup à l'Euro. Et donc, Guy Carlier, dans ce bouquin, signe à la fois un portrait de ce jeune homme qui a été mal aimé un petit peu partout où il est passé, mal aimé, cassé même à Marseille et bien au-delà. Cassé, et puis c'est tout l'amour du foot aussi de Guy Carlier, qui dit donc que le foot est une affaire d'homme et qui à un moment, vous apprécierez cette phrase à la page 50, il dit la différence entre Valbuena et nous, c'est que nos fils vers l'âge de 18 ans ils commencent à se lasser des entraînements 3 fois par semaine, ce sont encore les femmes ces salopes qui volent nos enfants au football. Il dit ça comme ça, non? Mais je vous jure, page 50. Et il dit en direct parce que j'ai quelques mots à lui dire. Oui, mais je crois qu'on a tous quelque chose si à lui dire. Si vous n'étiez pas là à nous tourner autour, on resterait sur le terrain et on deviendrait tous des stars du football. Mais vous lui direz vous-même, il vient tout à l'heure. 8h39, le duel de Padua Carlier. Il a dit ça comme ça dans ces mots-là. Si vous voulez parier. Vous m'écoutez le matin dans mes chroniques à l'heure. Ou écoutez, elle est scandalisée. Bon, il y a un match tout à l'heure. Allez à l'agence Ladbrock, parier. Soit Carlier, soit de Padua. Il n'y aura qu'un vainqueur. Dans le relook tout à l'heure. On aura notre Marc Wilmot. Et on va surtout parler de sa chemise. Ouais, il est toujours en chemise blanche. Oh, mais l'imbécile. Ah, ouais. Oh non! Ah, c'est là, je regarde des Jérôme et une chemise blanche aussi ce matin. Ouais, ça lui va bien, faut pas changer. En fait, une chemise blanche va avec tout. Donc, c'est déjà une bonne note. Sauf que je m'excuse, celle de Wilmots, même pendant le match, elle est repassée, comme s'il venait de la repasser. Oui!

Le Standard a présenté hier la maquette de son nouveau stade. Ah, oui, c'est vrai, mais c'est vrai, tout est vrai dans, oui. Dans ce cactus. Bon, alors vous allez revoir ça sur la page Facebook du 8-9, bien évidemment. Il y a du petit tacle pour tout le monde. Y compris pour nous. Vous avez peut-être lu le journal le soir hier. Plus rien ne va ici. On va à la carte fête, les gens en pleurent. Dans le couloir, les gens en pleurent. Bon, qui sera en vacances lundi? Donc il y aura un 8-9 d'été. Je serai là. Qui sera en vacances lundi, Jérôme? Présent. Non, lundi, vous serez présent? En vacances. Ah oui, présent, en vacances. Moi, je serai en vacances aussi. À 2h du matin, je pars. On refait. Donc, qui sera présent au travail? Pas lui. David pas non, non plus. Plus. Madame de Padua. Moi, je serai là. Ouais, très bien. Bien joué. Bravo. Belle commis de l'État. Vous au moins, parce que les autres. Hein, bon. Hein, Simon, vous serez là? Moi, je serai pas là au matin, mais je serai là la journée. Mais ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. Non, ça vaut pas. Ça ne vaut pas. Seul le plein temps. C'est les vacances, la journée, quoi. Seul le plein temps est récompensé. 8h25, voici le Zap Télé avec télépro.be. Sarah, les dernières nouvelles de Danse avec les Stars. On a peut-être même des noms. Dals pour les intimes. Hein. Danse avec les Stars. Loïc Notet est sorti vainqueur, évidemment, il y a quelques mois. On est à 5 mois de la 7e saison, du lancement de la 7e saison. Alors, du coup, les rumeurs circulent. Alors, on a des belles plantes. Au niveau femmes, on a Nabila. Ouais, une belle plante. On a la ce qui est génial, c'est qu'elle engueule Guy Carlier quand il fait des phrases un peu misogynes, et puis elle dit d'une femme, quelle belle plante. Bah parce que je suis une femme. Oh bah alors. Et alors, bah, même Nabila est une belle plante. C'est pas la même chose. Okay. Il y a la présentatrice de la Nouvelle Star, c'est Laurie Cholewa. Oui. Et on a Karine Ferry, peut-être. On lui avait déjà demandé l'année dernière. Oui. Elle était enceinte, elle a accouché de son petit Maël en avril dernier. Du coup, elle serait dispo, on parle bien au conditionnel, elle serait dispo pour faire Danse avec les Stars. On a aussi Roselyne Bachelot. Alors, c'est pas... Oui, Roselyne Bachelot, c'est déjà la première star. Plantes. Et on a Olivier Mine, aussi de Fort Boyard. Ouais. Et on a Augustin Galliana, si vous connaissez la série Clem, c'est un des acteurs de la série. Donc on a quand même du beau monde, ça va être sympa à voir. Moi je suis pas excité, puissance 50, et vous? Je crois que c'est Nabila qui va ramener le plus de monde. Ouais, je pense. Vous êtes Simon, sur ce casting, vous êtes excité? Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de danseur en fait en tant que tel. Non, c'est le principe de l'émission. Hein, oui, non, mais il y avait Marc. On leur apprend à danser. Une fois, lui, savait danser. Mais c'est pas fini. Là, on a que 7 noms. Il va y en avoir encore aussi, beaucoup plus. Il y en a plein. Et Nouvelle Star, Rapidos, c'est fini. 13e saison. Nouvelle Star, c'est terminé. Il faut dire que plus personne ne regardait. Évidemment. Oui, je ne savais même pas que ça existait. Ils ont essayé d'avoir Joey Star. Ils l'ont eu d'ailleurs pour la dernière saison. Ça n'a pas fonctionné. Nouvelle Star qui a quand même révélé Amel Bent, Julien Doré, Christophe Hulé. Mais ça, c'est quand on regardait l'émission. On dirait que c'est une autre génération. C'est clair, j'avais encore de l'acné à ce moment-là. Même le logo était un peu vieillot. Et vous voulez jouer au Kikadi tout à l'heure, venir discuter du bon vieux temps, car c'était mieux avant, forcément. Kikadi, vous inscrivez au 3063 SMS, vous indiquez « je veux jouer », nom, prénom, coordonnées complètes. Un cadeau à la clé, un mot imposé à Jean-Luc Fong. Vous pourrez faire la bise à David, la poignée de main à Jérôme, le salut à Simon et à Sarah. Dans un instant, l'info de la région. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League... Les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron Morito. Gaël, vous avez tout pour vous. UEFA Euro 2016. Ce jeudi, premier quart de finale à Marseille. À 21h, Pologne-Portugal. Et 20h, avec la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre. Un euro bleu, blanc, diable. En été, Michel, ornithologue amateur... Oh, le joli Philoscopus colibita. ...apprend les chants d'oiseaux. Et Michel oublie de jouer au loto. Quoi ? Ah non ! Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous à tourner ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases des polos et de Grand Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Des enfants. Et vous nous rappelez, Simon, l'actualité de ce jeudi. Un homme flamand condamné à payer 6 000 euros pour avoir refusé une euthanasie. Ce jugement pourrait faire jurisprudence. Plus que quelques heures avant de remettre votre déclaration fiscale, déclaration papier, vous avez jusque minuit. Pour TaxonWeb, vous avez jusqu'au 13 juillet prochain. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues à Lille. Et évidemment, les Diables Rouges jouent demain face au Pays de Galles, leur quart de finale. Enfin, l'exposition Harry Potter débarque à Bruxelles aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 11 septembre prochain pour découvrir cette exposition. Bon, on rit, mais c'est pas tout ça, travail. Alors bon. Simon. C'est un peu dur. Parce qu'on me raconte des trucs avant la météo. Moi, je suis fragile. Alors, une zone de pluie assez peu active se trouve sur le pays en ce moment. C'est le dernier jour du mois de juin. Il va pas être génial parce qu'il y a quand même de la pluie qui arrive tout à l'heure et des maxima qui sont fixés à 21 degrés. N'oubliez pas que Guy Carli arrive tout à l'heure. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le stade de Sclessin passe à la taille XL. Il pourra en effet bientôt accueillir 40 000 supporters. L'enceinte va être modernisée. Marquis Le Seim, elle va devenir un lieu de business également à part entière. Effectivement, le Standard va développer un business campus de 6000 m2. En fait, des bâtiments pour accueillir des entreprises et de l'Horeca également. Un projet mené en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie. Les tribunes 3 et 4 vont par ailleurs être allongées pour fermer complètement le stade. Une esplanade surélevée va également être aménagée. Elle permettra aux supporters de se rassembler et de crier tous ensemble évidemment, le jour des matchs. Enfin, un vaste parking va être construit en sous-sol. Le Standard vient également de dévoiler ses nouvelles vareuses pour la saison prochaine et il a confirmé qu'il recevra 14 millions d'euros environ de la vente de Michy Batshuayi au club de Chelsea. Batshuayi, dont la cote a fortement grimpé à l'Olympique de Marseille après son passage au Standard. Et pour le président liégeois Bruno Venanzi, ce cadeau du ciel va permettre d'afficher quelques ambitions. Des ambitions, on en a depuis un an et c'était prévu que Michy soit vendu. Ça fait quelques semaines que je suis en contact très régulier avec Vincent Labrune, président directeur général de l'OM. Et donc c'était entre guillemets prévu dans notre trésorerie, mais c'est vrai que ça permet de voir les choses de manière plus aisée. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire des folies en transférant des joueurs à 10 ou 15 millions, mais c'est vrai que ça met du beurre dans les épinards. Une interview réalisée par le patron de la rédaction sportive de la RTBF, Michel Lecomte. Quel avenir pour le bassin non couvert de la piscine de Huy? Depuis 2 ans, il est hors service à cause de fuites notamment, et des machines sont à remplacer. Mais cette piscine pourrait se transformer, être intégrée à un centre aquatique. Ce n'est encore qu'un avant-projet, Michel Grétry, et c'est à l'automne que les choses pourraient se concrétiser. Les Hutois le savent, la piscine aurait besoin d'une sérieuse remise à flot. C'est surtout le bassin extérieur, fermé depuis 2 ans, qui réclame des travaux lourds. Il est percé, il n'est plus étanche. Et la question se pose dès lors, faut-il investir juste pour quelques beaux jours d'été et pour quelques amateurs de natation hivernale ? Une étude économique laisse entrevoir un autre futur. L'infrastructure est située en cœur de ville. Elle pourrait parfaitement conserver sa fonction première d'apprentissage pour les écoles et les particuliers et se transformer, se compléter d'équipements de détente. Dans les alentours, l'offre en la matière est plutôt pauvre. Autre atout, le stationnement automobile ne pose pas de problème. Les amateurs d'aqualudisme peuvent venir en nombre. La ville n'a évidemment pas les moyens de financer seule ce genre de rénovation. Un dossier a déjà été envoyé au ministre wallon des Sports qui, dans les quelques semaines qui suivent la rentrée de septembre, doit définir les priorités de son plan piscine. Les Hutois comptent bien en être. Des peines de 2 à 6 ans de prison pour des proxénètes qui avaient forcé de jeunes Bulgares à faire le trottoir en région liégeoise. Le tribunal a estimé que les victimes se trouvaient en situation de vulnérabilité car elles étaient obligées de nourrir leur famille et leurs enfants. Les prostituées étaient régulièrement battues, surveillées et l'argent qu'elles gagnaient était systématiquement confisqué. Ce réseau s'était également développé aux Pays-Bas, en Allemagne et en Roumanie. En partenariat avec l'université et la province, la ville de Liège accueillera dès la semaine prochaine le congrès mondial des professeurs de français. 14e édition de ce congrès organisé par la Fédération internationale des professeurs de français avec plus de 1600 enseignants présents, Bénédicte Allier. Après Durban, Atlanta ou encore Tokyo, c'est Liège qui cette année accueille la 14e édition du congrès mondial des professeurs de français auquel participeront plus de 1600 personnes venant de 103 pays différents. Après l'anglais, le français est en fait la deuxième langue internationale la plus enseignée dans le monde. Raymond Guévart, vice-président de la Fédération internationale des professeurs de français. Je vais donner un exemple assez novateur. Au congrès vont venir 35 professeurs du Costa Rica. C'est le seul pays d'Amérique latine où le français soit en langue obligatoire depuis le primaire. Et ce pays, grâce à un congrès de professeurs qui s'est déroulé là, est entré dans la francophonie. Durant ce congrès, réservé aux professionnels essentiellement, pas moins de 539 activités seront organisées autour de nombreuses thématiques. Jean-Marie Klinkenberg, président du comité organisateur, nous en épingle quelques-unes. La question des jeunes et de la formation, la question de l'utilisation des nouvelles technologies en classe, la question de la certification et de l'évaluation. Donc voilà des choses qui vont être discutées au sein de ces symposiums et nous souhaitons que ces symposiums débouchent aussi sur des résolutions. De nombreuses activités culturelles destinées également au grand public sont aussi au programme, danse, théâtre, cinéma, le tout concentré dans la ville, à l'université, au forum, à la Cité Miroir, ainsi qu'au Théâtre de Liège. Français, langue ardente, c'est sous ce slogan que se déroulera à Liège du 14 au 21 juillet prochain le congrès mondial des professeurs de français. Programme complet et informations sur internet. En tennis, David Goffin jouera son deuxième tour du tournoi de Wimbledon ce jeudi face au français Édouard Roger Vasselin. Il est 186e à la ATP. Et puis en basket, je vous rappelle que le club de Verviers-Papinster, c'est fini. Le club a décidé de se retirer de la compétition 2016-2017. Faute de budget, les dirigeants ont préféré arrêter les frais, du moins la saison prochaine. Et à 9h, c'est vous qui le dites, trois débats sur la table. Est-ce qu'une femme peut avorter sans l'avis de son compagnon et dans son dos? Un jeune moucronois menace de se suicider pour dénoncer l'avortement que sa femme a fait sans lui dire. Ensuite, avez-vous une idée sur le profil du ou des gars qui torturent des chiens dans la région de Châtelineau et Couillet? Enlèvement, torture, rasé, battu, déjà 3 morts dans la région et on ne sait pas qui. Et puis Théo Franken qui prépare une loi qui permettra désormais de fouiller dans le GSM, dans l'ordinateur, dans le Facebook et dans les photos des migrants. Est-ce que ça va trop loin? Marion mode standard ouvert. Et c'est votre avant-dernière chance pour atteindre le standard 2, c'est vous qui le dites, alors ne ratez pas cette occasion en or. Téléphonez dès maintenant au 070-233-466 ou par SMS au 3063 57 par message. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre page Facebook. Il est 8h36 et on descend sur la route pour constater que tout va bien. Tout va bien, sauf pour ceux qui doivent passer la tranchée de Chorat, où là, il y a quand même 4 minutes 30 de ralentissement en direction de Bruxelles. C'est les seuls embouteillages qu'on a constatés dans toute la province ce matin. Si vous allez vers Bruxelles, c'est beaucoup plus cool aussi. On s'installe dans des conditions complètement estivales au niveau de la circulation. Habitude à prendre jusqu'à la fin du mois d'août et puis rentrée oblige. Ce sera moins facile. Ça bouchonne ce matin entre Overijs et Leonard sur le 411 et entre Overberg et Woluwe-Saint-Etienne pour le 40. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez tous les quarts de finale au plus proche de l'action. Pologne-Portugal, à suivre en direct ce jeudi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Oui, Lemens. Moi, j'ai aucune confiance dans ces saucisses. Ah bon? Elles ont quand même l'air bonnes. Ouais, non, elles cachent quelque chose, mais je... Enfin... Écoute, pour les faire parler, je vais les mettre sur le grill. Ah oui! J'ouvre déjà la sauce samouraï. Oui! La samouraï qui fait parler d'elle... La voilà! De vos Lemens. À table! De 8 à 9, le 8-9. Alors le relook tout à l'heure, on s'occupera des chemises blanches de Marc Wilmot, qui à mon avis a une fameuse centrale vapeur, parce qu'il faut toujours repasser. Hein, mais il change à la mi-temps, c'est sûr. Eh bien, je me demande, vous croyez ? Je sais pas. Je me demande. En tout cas, il n'y a pas une auréole sous les bras. Ah ouais, ouais, j'ai regardé. Vous croyez qu'il y a des nazars blessés ? C'est du bluff ? Vous croyez que c'est du bluff, le coup des nazars blessés qui ne s'entraînent plus ? Hein ? Oui. Non, moi, je crois qu'il va jouer demain. Il y a une petite une contracture. Ouais, mais ça c'est quoi une être... contracture ? Ouais. Mais une contracture, mais il. Bon, ça ne va pas. Il a une défibrillation du pénis. Hein, donc vous voilà, merci, docteur. Je vous en prie. N'hésitez pas. Je vous en prie. Et puis, alors, comme ce soir, c'est le match Portugal-Pologne et que l'adversaire sera notre adversaire en demi-finale. Cristiano Ronaldo. Et alors, j'ai une petite surprise pour vous que vous ne savez pas, Benjamin. J'ai fait un petit montage. Oh, oui. Un petit cadeau. Vous allez voir. Ça fait peur. Ça va bien donner en radio. Eh bien, oui, ça fait peur. Le comité de censure veille d'ores et déjà. 8h40, on est dans l'univers du foot. Voici un bouquin qui s'appelle Qui veut tuer Mathieu Valbuena. Alors, vous avez sans doute suivi de loin ou de près l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, qui n'est pas qualifié dans cette Euro avec l'équipe de France, qui en gros est un peu le mal-aimé du foot français. Voilà pourquoi Guy Carlier lui consacre un portrait, mais qui dit aussi son propre amour du foot. Guy Carlier est en ligne ce matin. Bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour. Bonjour. Et alors, avec vous. Avant de parler du bouquin, vous avez suivi un peu les Diables Rouges ou pas ? Ah bah oui, évidemment. Mais vous savez que je les suis depuis très longtemps, une époque où vous n'étiez probablement pas né. oui, c'est l'époque où on gagnait, alors vous voulez dire. Je la vois bien. Et non, mais vous savez, j'explique. Non, évidemment, c'est un prétexte. Mathieu Valbuena, c'est évidemment un livre... à l'amour à la passion du foot et surtout à ce lien avec l'enfance que constitue le football et que tout adulte qui aime le foot doit assumer. Ah, il y a un truc très dur, Guy Carlier, il y a un truc très dur et vous expliquez pourquoi vous lui consacrez un bouquin alors que c'est pas le plus emblématique du foot français. Ouais. C'est qu'il y a donc ce moment où il va quitter Marseille, le stade Vélodrome, et là, vous le voyez pendu en effigie dans une tribune. Non mais... C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il revient avec le maillot lyonnais à Marseille où il a brillé pendant 8 saisons, où il était adulé par le COP, par les supporters. Il lève les yeux vers les tribunes en rentrant sur le terrain et il se voit pendu en effigie. Et en fait, c'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre parce que on va pas faire de littérature, mais j'ai repensé à un texte qu'un prof malin de français m'avait fait lire devant la classe qui s'appelait « Un ailier est un enfant perdu » de Monterland. Ouais. Et c'était tout à fait ça, c'était tout à fait les yeux d'un enfant perdu. Juste pour les Diables Rouges quand même, parce que c'est ce qui vous concerne, j'ai appris, alors là, j'ai élargi mon cercle médical avec votre diagnostic contracture particulière de Eden Hazard qui a été merveilleux et qui s'est réveillé lors du dernier match. Et vous, et là, vous nous trouvez un peu juste. À partir de ce moment-là, les Diables Rouges peuvent avoir de légitimes ambitions. Et la deuxième chose, pour en revenir à l'enfant. J'ai le souvenir, dans les années 60, de matchs France-Belgique qui se jouaient toujours le 11 novembre. Il faisait froid et on prenait. Et la France perdait toujours 3-0. Il y avait, sais pas si vous avez connu ces hommes qui s'appelaient Van Nist, Jurion, etc. Ah, mais là, le gardien joue encore avec une casquette, là. vous aviez un joueur qui jouait avec des lunettes. Et qui était très bon, dont j'ai oublié le nom, mais les fans de foot qui sont à l'écoute, les fans belges de foot qui sont à l'écoute, s'en souviennent. Mais je me souviens qu'on prenait toujours 3-0 par les Diables Rouges. Et Attendez dimanche prochain. Donc j'ai suivi peu à peu, tout au long de ces années, cette équipe un peu star, quoi. Attendez, là je me glisse avec une question pour justifier mon salaire. Mais vous étiez encore là, vous? Non, j'étais parti faire des courses pour acheter une écharpe Diable Rouge. Un mot quand même sur le lien. Alors, il y a votre amour aussi au foot, votre passion du foot, vous le passionné de Monaco, et puis alors il y a ce moment terrible, page 50, qui n'a pas plu aux femmes dans l'équipe. La différence entre Valbuena et nous, c'est que nos fils, vers l'âge de 18 ans, commencent à se lasser des entraînements 3 fois par semaine. Ce sont encore les femmes, ces salopes qui volent nos enfants au football. Guy Carlier, vous n'avez pas écrit ça comme ça. Ah non, mais attendez, vous connaissez Pagnol, la pomponnette, la salope, c'est un mot d'amour. Je, c'est pas ah, c'était le mot d'amour. C'est espagnol. C'est la pomponnette. Évidemment. Enfin, c'est évidemment l'inverse. C'est un contresens. Si vous non, mais assumez-vous vous-même. Les femmes n'ont rien à voir avec la carrière. Vous ne comprenez rien. Il dit qu'on peut vous appeler comme ça par amour. C'est un chapitre. Il y a une connivence entre les pères et les enfants et les fils. À travers le foot. Donc j'explique ça. J'explique que les mamans regardent ça d'un œil bienveillant et amusé parce qu'elles savent que de toute façon, les garçons sont plus proches d'elles. Et elles lâchent un peu ce truc-là comme un cadeau fait au papa. Mais il arrive à un moment où elles disent « Bon, maintenant, écoute, 3 entraînements par semaine, ça va être trop. Il faut que tu reprennes tes études. » Et là, les pères se trouvent complètement déboussolés. Ils ont acheté le maillot d'Ibra, vous voyez, avec un peu de ventre qui dépasse pour regarder la télé avec leur fils et tout ça. Enfin, ils ont leur rituel et tout. Et puis, l'enfant est repris par la maman pour être remis vers les études, etc. Et c'est quelque chose qui est plein de tendresse, d'amour, et c'est évidemment le salope au sens de la licence poétique de Pagnol, qui est un mot, en l'occurrence, d'amour. Alors, j'ai tout compris, connard. C'est de l'amour. Oui, bah oui, en Belgique, ça se dit régulièrement. Ou gros. Gros. Ça va, gros. Ben voilà. Et un mot encore sur Valbuena, parce que ça aussi, toujours entre l'un et l'autre. Donc, il est mal aimé partout où il passe, il n'est pas qualifié. On ne comprend pas très bien, d'ailleurs, pourquoi ce gars n'arrive jamais. Il n'y en a qu'un qui l'a aimé à Marseille, c'est quand Guéret était là. Et Guéret, c'est un petit gars de chez nous. Pourquoi les autres, ils l'ont jamais saisi, compris, porté? Je pense qu'il a aussi peut-être sa part de responsabilité. C'est-à-dire qu'il a un jeu très provocateur, très déstabilisant pour l'adversaire. Et il s'amusait à ça, à l'entraînement, avec ses propres coéquipiers. Donc, évidemment, ça pose des problèmes. Mais surtout, c'est un joueur qui n'a pas... qui a été refusé par les professionnels de Bordeaux à la fin de sa formation, sous prétexte qu'il était trop petit, donc qui est passé par le monde amateur et qui s'est retrouvé dans un vestiaire de l'OM où il y avait des Nasri, la génération de Nasri, Ribéry, etc., qui, eux, ont fait toutes les sélections de jeunes ensemble et tout ça. Et ils voyaient débarquer ce type qui venait du monde amateur, ce petit bonhomme qui dribblait tout le monde à l'entraînement. Donc il a été bizuté. Il y a un chapitre où j'explique que ça se passait vraiment très, très mal dans les vestiaires. Ah bon ? Et ça se passait également très mal, vous avez raison, avec les autres entraîneurs, à savoir notamment Didier Deschamps, qui le laissait régulièrement sur le banc. Donc il faut rendre hommage à Guéret, qui lui a été le seul gentleman dans le truc. Alors il y a aussi toute la partie aveu, notamment sur Domenech. Vous avouez vous être trompé, puisque le gars en fait devait gérer les sales gosses et il n'était peut-être pas si mauvais qu'on ne l'avait dit. Plongez-vous dans ce bouquin. Qui veut tuer Mathieu Valbuena ? Guy Carlier, merci d'être passé ce matin. Bonne journée. Merci. À vous. Bonne journée. À bientôt. Qui veut tuer Mathieu Valbuena ? Bon, fin du monologue de Guy Carlier, donc Benzema l'a mis en lumière, en fait. Qui ? Comme tout le monde était en train de ne pas le mettre en lumière, lui, au moins, il l'a mis en lumière avec sa sextape. Voilà, c'est un portrait. Ça ne parle pas de la sextape, vous allez être déçus. Je vous remets officiellement Sarah Lapage 50. Mais c'est cliché, son explication, quand même. Hein. C'est un peu macho. Je ne suis pas d'accord. C'est un peu macho. Parce que... Ah, moi, il m'a retourné. Ah, le coup de la maman et tout ça, qui amène le footballeur aux études et tout ça, c'est cliché. Il a raison parce qu'il dit le lien entre les enfants qui jouent au foot et le papa, et puis les enfants se tournent uniquement vers la maman quand ils sont blessés. Et en gros pour le linge. Donc, non, mais donc c'est super cliché, quoi. Mais non, Sarah, vous êtes notre salope à nous. Non. Allez, je l'ai raccroché au moins. Je suis pas pour être du côté de Sarah, mais le gars a une vision un peu archaïque du monde, quand même. Hein ? Ok. Bon, alors, Sarah, va faire les carreaux maintenant. Et dans un instant, les hommes vont jouer au Kikadi. Ah ! Et frappe plus fort. Comment bien manger quand... on a une furieuse envie d'aller à la pêche aux moules. Alors sortez vos filets. La saison des moules a commencé chez Delhaize. Des moules charnues et succulentes pêchées en Zélande et livrées quotidiennement pour une fraîcheur absolue. Profitez-en. Jusque mercredi, le deuxième ravier de 1 kg de moules super est à moitié prix. Delhaize. Bien acheté. Bien manger. Ce dimanche, IKEA, Willerijk, O'Neill et Mons sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Tarzan en 3D. Une toute nouvelle aventure du roi de la jungle avec Margot Robbie, Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson et Christoph Waltz. Pour y assister le 5 juillet à Bruxelles ou Liège, 0905 56 472 57 par appel. Hey, coucou, c'est moi, Julie, tu me reconnais plus ou quoi? Julie, oh mince alors, mais t'as... Bah ouais, j'ai perdu quelques kilos. Oh, mince alors, comment t'as fait? Quelques kilos à perdre? Essayez Réductin. Il diminue votre appétit, votre envie de grignoter, brûle les graisses sédentaires et contrôle l'envie et la dépendance au sucre. Mince alors. Réductin, la minceur réinventée, en vente en pharmacie. Cette semaine, Michel Polnareff est en exclusivité sur Vivacité. Avant son concert du 19 juillet au Francofolie de Spa, retrouvez Michel Polnareff chaque soir dès 17h dans le 5 à 7 et dès 19h dans le Tip Top. Michel Polnareff, cette semaine en exclusivité sur Vivacité. Vivacité à Serein, en toute complicité, sur 90.5 FM. Le 8-9. Bon, maintenant que les carreaux sont propres, on peut aller à Mons. Bonjour Julie. Bonjour Benjamin, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Eh ben, il paraît que Bobo, vous êtes un peu malade en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Un peu mal au genou et tout ça, mais ça va aller. Chérie, mais tes genouillères, je te l'ai déjà dit. Oui, mais c'est bien, mais j'ai remis mes deux prothèses et tout, mais... Eh bien, tu mets tes genouillères au-dessus de tes prothèses. Julie... Bon, ouais, j'ai essayé. Avant de tenter le Kikadi, votre avis. La différence entre Valbuena et nous, c'est que nos fils, vers l'âge de 18 ans, commencent à se lasser des entraînements trois fois par semaine. Ce sont encore les femmes, ces salopes, qui volent nos enfants au foot. Vous êtes d'accord? Mais c'est moi qui suis Valbuena. C'est toi, mon père, je ne comprends plus rien. Alors voici le Kikadi de ce matin. Kikadi, Julie. Kikadi, même sans entraînement, Eden Hazard peut jouer. Même sans entraînement, Eden Hazard peut jouer. Kikadi ça? Eden Hazard en parlant de lui-même. Gareth Bale en parlant de son adversaire. Ou Mark Wilmots, coach. Sarah, vous pensez à qui? Le coach, non? Elle dit le coach. David, vous pensez j'ai à qui? J'ai peur du piège. Moi, je dirais le B, parce que ça m'étonnerait que Wilmot dise sans s'entraîner alors qu'il les entraîne tout le temps. Gareth Bale, oui. Dit-il, et vous, ouais. On voit bien qu'il ne connaissait absolument pas le football. Alors, ce n'était pas Eden Hazard, parce qu'il ne s'alindolonise pas, évidemment. Ah, ouais. Donc, c'est Mark Wilmot, je pense. Qu'en savons-nous, Julie? Vous dites quoi? Moi, j'aurais dit son coéquipier parce que par esprit tactique, dit que Wilmot. Coéquipier, il n'y a pas. S'il n'y a pas de coéquipier dans le choix. Donc, adversaire. C'est son adversaire. Vous dites l'adversaire, Gareth Bale, le gallois. L'adversaire, ouais, le B. Je dois vous dire non. Le coach. Je dois dire non. Bobo. On était deux à vous le dire. Bobo. Oui. C'est Mark Wilmot qui a dit ça. Ouais, dis dommage. Donc, avec l'homme de match qu'il a fait, il n'a pas besoin d'entraînement. Il est en condition. Ah, quel cadeau pourri, j'ai perdu. Ah, oh là là. Mais attendez, ah là là. Attendez. Oh là là. Votre deuxième genou va aller moins bien. Oh là là, il était. Oh là là là. Regardez, je vous le montre si vous nous regardez sur la une télé. Oh là là là là. C'était quoi? Oh bon sang. Oh bon sang. C'était quoi? Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fong pour demain? Il y aurait eu beaucoup de kangourous. Le mot, c'est ? Empathie. Pourquoi ? Ah, parce que j'aime les gens et j'ai envie que les gens s'aiment entre eux, point. Bien. Ah, wow, c'est un beau c'est message bien, d'amour. C'est bien. Vous avez bien raison. Bravo. Après tous les méchants gros mots qu'on a dit avant, merci Julie. Vous êtes à Mons et c'est Jean-Luc qui s'y colle pour la dernière demain. Dans un instant, David attention. Va relooker l'homme aux chemises blanches parfaitement amidonnées. Monsieur Wilmot. Wilmot. Garage Carrosserie Langela à Herve, distributeur officiel Renault, Dacia et véhicule utilitaire sur le plateau de Herve. Découvrez ce garage familial et professionnel et ses services sur Localizy. Le garage Langela, rue de Charnes 58 à Herve. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique? Ou bien à la mer? Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Le festival Couleur Café. Avec Chic et Nile Rodgers, Arnaud, Selassou, Oxmo Puccino, Magic System, De La Soul, Neka, Youssoundour, Brigitte et Soprano. Festival Couleur Café, les 1er, 2 et 3 juillet à Tour et Taxi. Découvrez l'affiche et réservez vos places sur couleurcafé.be. Avec Vivacité et La 2. crème solaire ? Check. Enfant ? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens coupable. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, c'est magique, je sens déjà le vent souffler dans mes cheveux. Ok, je remonte la vitre. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Rendez-vous chez Krefel et découvrez la sensation TomTom avec l'infotrafic en temps réel. Le 8-9. Vous pourriez, question d'intérêt général. Je le pourrais. Merci. Les pubs sont agressives pour les paris sportifs. Quel serait votre slogan pour inciter les gens à parier sur la victoire des Diables à l'Euro ? Pierre Van Meyrag nous précise que la Belgique a perdu le franc en 2002, mais elle va gagner l'Euro en 2016. Loulou Godet, les paris au foot, c'est pas chinois. Encore au fait de l'actualité. Sacré Zéyounier. La cuique du jour, par précaution avant la construction du stade national, la ville de Bruxelles rachète 557 400 euros à un chemin qui n'existe plus. Comment nommeriez-vous ce chemin ? Bon, à vous de répondre sur la page Facebook du 8-9 qui est à votre disposition. On corrige ça ensemble demain. Et puis sur vivacité.be, n'oubliez pas la revue de presse. Toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin, notamment Zaventem qui est prêt pour l'été, ou encore les conseils pratiques quand vous êtes dans l'île et que la fan zone est complète et que le stade ne vous est pas ouvert. Que faire ? C'est un guide du routard donc sur vivacité.be qu'on vous propose. Alors, le relooking, David, il est 8h55. On va commencer par l'homme qui, depuis le début du tournoi, à chaque match, à chaque conférence de presse, a une chemise blanche. Repassé comme jamais tu peux le faire chez toi, Marc Wilmots. Alors, Marc Wilmots, il a 47 ans, il mesure 1m84 et, comme toujours, donc il porte toujours une chemise blanche. Et alors, il faut savoir que la chemise blanche est indémodable. Donc, c'est une chemise qui va avec tout. Et la particularité chez lui, c'est qu'elle est toujours bien amidonnée. Est toujours bien repassée, mais il y a toujours un problème quand il la place dans le pantalon. Ah ! Elle n'est jamais alignée avec la fermeture éclair. Il bouge, hein, aussi. Oui, mais on peut avoir des petits conseils pratiques, comment mettre une chemise correctement. Vous savez que c'est très difficile d'aligner les boutons sur la tirette, hein, quand on a un peu de ventre. Non, c'est pas difficile. Ah, on si. Place... Non, premier, on doit déjà ouvrir le pantalon, bien placer la chemise à l'intérieur en étirant au maximum. Oui, ça je fais, après, oui. On ferme la tirette, on ferme le bouton et on laisse passer quelques centimètres, justement, pour bien... Pour l'instant, vous ne révolutionnez pas. Non, mais pour vraiment vous la mettez dans le caleçon, pas la chemise ou... Alors justement, attention. Ça, c'est ma question. L'erreur, c'est qu'on la met dans le caleçon pour justement qu'elle soit plus tendue. Ouais. Mais si vous faites des gestes un petit peu différents, eh bien, vous allez avoir la bande de votre caleçon qui va remonter. Ah, aïe, donc, ça fait mal alors. Donc ça va être ridicule. Donc faites attention. Vaut mieux bien placer une chemise donc, dans le pantalon, bien aligner les boutons avec la fermeture éclair. Et je conseille aussi à Marc Wilmots de changer de ceinture parce que cette ceinture-là, je crois qu'il avait 20 ou 30 ans et maintenant, comme il en a 47, il a pris un peu de poids donc il ne reste plus qu'un petit point avant. C'était sa ceinture fétiche. C'est peut-être sa ceinture fétiche. Le sens du détail. Et donc, il faut vraiment qu'il ait une ceinture un petit peu plus grande pour que ça passe directement dans le premier passant. Comme ça, ce serait une ceinture qui sera vraiment parfaite. Alors, pour les personnes qui ont aussi donc un peu de ventre, il faut toujours choisir une chemise blanche tramée. La chemise blanche tramée donc, va permettre d'enlever un petit peu donc, les erreurs et les ondes. Ça veut dire quoi, tramé ? Tramé, c'est le même tissu, mais qui est tramé. Donc, en fait, ça va faire... Pardon. C'est le même tissu, mais tramé. Je m'en veux. Mais je ne vois toujours pas. C'est une trame. Donc, en fait, cette chemise-là, donc on voit qu'elle est un peu transparente, un peu comme Jérôme a une blanche aujourd'hui. Donc, on voit directement le téton, le poil à travers. Si, on le voit. C'est alors indécent. Que quand on a une chemise tramée... c'est indécent. Quand on a une chemise tramée, donc ça met un peu d'épaisseur. Donc, la chemise a une meilleure tenue. Et pour les personnes qui n'aiment pas repasser, je vous conseille simplement de prendre votre chemise. Une fois qu'elle est lavée, vous la mettez à l'extérieur, vous attendez donc l'humidité du matin et elle va se défroisser naturellement. Chagrin. Wow. Chagrin. Non, mais c'est important. C'est, je vous crois toujours, mais là, je ne vous crois pas. La rosée ne peut rien contre la centrale. La rosée défroisse tous les vêtements qui sont un peu froissés, même les vestes de costume. Parce que les tissus s'alourdissent, à mon avis. Voilà. Avec ça ne devient pas plane à la Marc Wilmots. Ça ne devient pas plat, mais au moins, ça évite de dépenser peut-être de l'énergie. Suffit. Notre débat entre ménagères sur le linge est terminé. Il suffit. Enfin, alors que je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, ce soir, Portugal-Pologne. Vous savez que celui qui gagne ce match sera notre adversaire en demi-finale, à supposer évidemment qu'on se qualifie demain pour la demi-finale. Mais donc Portugal-Pologne et un homme, Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, donc 31 ans, 1m85. Donc, fashion victim à fond la caisse. Donc, je veux dire, au niveau de ses habits, au niveau de ses boucles d'oreilles, au niveau de ses cheveux, on sait qu'il est toujours impeccable, même dans les pubs, justement, qu'il a fait. Et je vais vous montrer la chirurgie esthétique qu'il a employé